Si pour vous, Bria Savarin est le nom d'un fromage, découvrez aujourd'hui l'homme qui lui a donné son nom, auteur d'une extraordinaire physiologie du goût qui se compose de méditations et d'aphorismes sur la gastronomie, le plaisir de la table, la symbolique du ventre rond, l'estomac comme personnage d'une nouvelle sociabilité, la digestion et d'un éloge du dindon. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Lance l'homme dont voici en une minute le portrait. Quel homme était ce Bria Savarin ? Par une des plus chaudes journées du mois de juillet 1778, un jeune homme de 23 ans faisait son entrée dans la diligence qui conduit de Châlons à Lyon. Il était grand, bien tourné, plutôt laid que joli, mais sa physionomie avait quelque chose d'étourdi, de franc et sans souci, qui prévenait en sa faveur. Ce jeune homme, c'était moi, mesdames. Et ce garçon avait bel appétit ? Passant par la cuisine, je fus frappé d'un spectacle qu'aucun voyageur n'eût pu voir sans plaisir. Devant un feu vif et brillant, tournait une broche admirablement garnie de caille, roi de caille et de ces petits rats à pied vert qui sont toujours si gras. Il cuisinait souvent lui-même avec minutie. Il ne faut laisser aux autres le loisir de former un vœu. C'était un hôte incomparable. Bonjour Bertrand Marker. Bonjour Adèle Vendrette. Merci d'être avec nous ce matin depuis Strasbourg, où vous vivez, vous enseignez, vous êtes professeur de littérature française du 19e siècle à l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la biographie de Bria Savarin que nous venons d'entendre en quelques secondes ? Alors, il me semble que cette biographie et cette présentation de Bria Savarin est assez mythifié, puisqu'on sait peu de choses sur la vie de Bria Savarin. On sait qu'il c'était un homme politique et un magistrat qui a été ennuyé pendant la Révolution française, qui a donc dû fuir, qu'il est parti aux États-Unis. Sur son portrait physique ou sur sa laideur supposée, quant à sa pratique de la cuisine, on sait finalement peu de choses. Et il me semble que ce portrait que vous avez diffusé en dit long sur la manière dont on imagine Bria Savarin, en peut-être le confondant aussi avec Grimaud de la Reynière, qui était son prédécesseur, qui est l'auteur de l'Almanach des Gourmands ou le Manuel des Amphitryons, et qui lui était réputé pour sa laideur et aussi pour ses réceptions fastueuses. Il me semble qu'il y a là une sorte de représentation syncrétique de ce que doit être le gastronome et le bon amphitryon. Mais c'est étonnant d'ailleurs parce que Bria Savarin est l'auteur de cette physiologie du goût dont on va parler ce matin, mais de lui on sait très peu de choses et son nom est évidemment associé à un fromage aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez que le texte lui-même dont il est l'auteur soit si peu connu finalement ? Alors, l'expliquer, je ne saurais pas, mais effectivement il est extrêmement cité. Physiologie du goût est pillée par énormément d'auteurs, par des poètes aussi, ou par des savants qui piochent un peu ce qu'ils recherchent dans cet ouvrage qui comporte des méditations, mais aussi des récits de rêves, il y a des chansons, il y a des recettes, des aphorismes qui mélangent plein de choses, la philosophie, des conseils moraux. C'est aussi un ouvrage qui a une raison. Rapprochez-vous du micro, vous entendez plus bien Bertrand Marker. D'accord. Là, vous m'entendez mieux ? Moins bien qu'avant, mais bon, allez-y, on réglera ça. Voilà, là, c'est parfait. Bon, donc je disais que c'est un ouvrage qui propose à la fois des réflexions sérieuses et des réflexions plus légères, et donc qui est extrêmement pillé, notamment ses aphorismes, qui présentent l'ensemble de l'ouvrage, qui introduisent l'ensemble de l'ouvrage et qui en sont en quelque sorte le résumé ou la synthèse ou le suc. Et donc sa réduction à un fromage est purement géographique, je pense. Ça vient de son origine, c'est lié à l'origine de Bria Savarin. C'est-à-dire, mais son ouvrage effectivement, il vient de l'Ain, et donc le fromage, je pense, c'est un fromage du terroir. Le reste, Physiologie du goût, est un ouvrage qui est extrêmement cité, mais qui n'est pas lu, qui est très peu lu. Ben, on va y remédier ce matin. Je précise que vous avez dirigé l'ouvrage Allégorie de l'estomac au XIXe siècle, littérature, art, philosophie aux éditions Presse universitaire de Strasbourg. Vous avez aussi dirigé l'ouvrage Dis-moi ce que tu manges, te dirai ce que tu es, fiction identitaire et fiction alimentaire, toujours aux Presse universitaire de Strasbourg. On mettra votre bibliographie en ligne évidemment. Mais d'abord, quels sont ces liens entre littérature et cuisine? On a l'impression que pour vous, ils sont très importants. Alors, entre littérature et gastronomie, et entre littérature et estomac, c'est la centralité de l'estomac au XIXe siècle qui, moi, m'intéressait, et qui passe par la promotion de la gastronomie, d'un discours gastronomique qui est, comme le montre bien Physiologie du goût, un discours qui est polymathique, qui touche à plein de domaines, mm-hmm. et qui n'est pas uniquement culinaire. Mm-hmm. Et c'est le sens que lui donne Brillat-Savarin lorsqu'il définit la gastronomie. C'est une science du ventre et de tout ce qui touche au ventre et à l'estomac, et ça inclut évidemment énormément de domaines, avec parfois des ambitions sérieuses et parfois des ambitions plus légères ou plus comiques, puisqu'évidemment l'extension infinie de la gastronomie peut parfois prêter à sourire. Alors je vous propose qu'on écoute le texte sans plus attendre, donc un extrait de la Physiologie du goût dans la troisième méditation, le texte est composé de méditations, un peu comme chez Descartes d'ailleurs, sauf qu'ici il s'agit du goût, de cuisine et de gastronomie. On parle beaucoup de gastronomie en ce moment, mais on a peut-être du mal à la définir. Voici la définition qu'en propose Brillat-Savarin en 1825. La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle y parvient en dirigeant, par des principes certains, tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments. Ainsi, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments. La gastronomie régit la vie tout entière, car les pleurs du nouveau-né appellent le sein de sa nourrice, et le mourant reçoit encore avec quelque plaisir la potion suprême qu'hélas il ne doit plus digérer. Elle s'occupe aussi de tous les états de la société, car si c'est elle qui dirige les banquets des rois rassemblés, c'est encore elle qui a calculé le nombre de minutes d'ébullition qui est nécessaire pour qu'un œuf frais soit cuit à point. Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé. Son but direct, la conservation des individus, et ses moyens d'exécution, la culture qui produit, le commerce qui échange, l'industrie qui prépare, et l'expérience qui invente les moyens de tout disposer pour le meilleur usage. Où l'on découvre que ce que l'on nomme gastronomie ne désigne pas simplement le rapport de l'homme à sa table, à sa cuisine ou à sa nourriture, mais est le lieu d'une réflexion anthropologique, esthétique, philosophique et politique sur ce qu'est un être humain. Au fond, c'est ça qu'on peut entendre dans ce texte, Bertrand Marker. Oui, effectivement. Vous avez l'ampleur, vous voyez bien l'ampleur du champ de la gastronomie qui va de la cuisson d'un œuf à des réflexions existentielles sur le parcours de la vie, et qui a des implications aussi géopolitiques, puisque l'aphorisme le plus célèbre dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », c'est une définition de l'essence mm-hmm. par la nourriture, par ce qu'on en ingère, qui est aussi évidemment une conception très matérialiste de l'existence humaine ou de l'homme en tant que tel. Et ce qui caractérise évidemment l'homme, pour Brillat-Savarin, c'est sa manière de se nourrir, et c'est ce qu'il appelle la gourmandise, c'est le propre de l'homme. Une manière de définir l'homme de manière très, très concrète, dans la lignée de la pensée des Lumières, ou de la philosophie des Lumières, une philosophie matérialiste. C'est-à-dire que l'homme est le seul qui continue à manger lorsqu'il n'a plus faim. C'est ça, en fait, la gourmandise. Voilà, c'est ça, c'est ce rapport, c'est ce plaisir, surtout. Ce qui caractérise l'homme, c'est le plaisir qu'il prend à table. Et c'est le plaisir sous tous ses rapports, le plaisir lié à la table, que Brillat-Savarin veut présenter dans cette physiologie du goût. Le goût ayant évidemment plusieurs acceptions, et ayant une acception sensuelle assez marquée, puisque le plaisir de la table est aussi un plaisir qui mobilise tous les sens, y compris le sens qu'il appelle génésique, qui est lié au plaisir sensuel. Mmh. Il y a une forme d'érotisme de la table. Il y a quelque chose de très audacieux quand même de sa part à proposer un texte qui fasse de qui saisisse l'humanité de l'homme à travers son goût, donc à travers, et on va le voir, il entre dans les détails, hein, ses joues, sa salive, sa langue. Quand, vous l'avez dit, il est l'héritier du siècle des Lumières qui identifiait comme étant le propre de l'homme sa raison, non pas son goût. Oui, alors ça explique peut-être qu'il ait publié, il ait choisi de publier de manière anonyme sa physiologie du goût, même si on sait très rapidement qui a écrit cet ouvrage. Bon, il meurt de toute façon très rapidement après la publication. Il se justifie dans la préface, à travers une sorte de dialogue rhétorique, il se présente comme un professeur, et dans ce dialogue, il mentionne Montesquieu. Et donc il est un peu dans la même position que Montesquieu écrivant les lettres aux Persanes. Il justifie, puisque c'est un magistrat, donc il essaie de justifier son sujet, qui est un sujet léger, en expliquant la profondeur, en réalité, de ce sujet qui touche à tous les domaines de la vie. Et donc c'est un ouvrage provocateur, mais qui a une vocation provocatrice, comme toutes les physiologies à l'époque, au XIXe siècle, qui sont à la fois des ouvrages sérieux, mais qui s'emparent de sujets souvent sociaux, et qui leur donnent une ampleur démesurée. Et évidemment, l'ambition parodique est toujours très proche. Il y a ce mélange de sérieux donc, et de comique qui initie en réalité physiologie du goût, puisque c'est la première physiologie dans le domaine littéraire. Oui, vous voulez dire que c'est un genre à part entière, les physiologies. On pense à Balzac notamment. Voilà, c'est ça, ça devient un genre à part entière. Et physiologie du goût est le premier ouvrage, même si évidemment Balzac laisse entendre qu'il avait eu l'idée avant, qu'il s'est fait couper l'herbe sous le pied. Il y a d'autres écrivains moins connus qui aussi publient, par exemple, des codes, un code gourmand, qui évoque très fortement Brillat Savarin. Mais le terme de physiologie a été pris. Mais physiologie, c'est entre codes, traités, types, et c'est souvent publié dans la presse. Et donc, ça devient vraiment un type de texte, plutôt léger. Lorsque ça évolue, l'ambition sérieuse est de plus en plus parodique. Et est-ce que vous arrivez à le définir, enfin, quel est le but de ces physiologies? C'est essayer d'ancrer dans justement la physiologie, l'anatomie humaine, ce qui en fait son essence? Alors c'est de proposer une description raisonnée, comme il le dit lui-même, une description précise, d'un phénomène social ou d'un type social. Ça passe par la description très scientifique, et donc très précise. Mais souvent, c'est un portrait qui se veut comique, comme vous avez la physiologie du rentier, ou ce type de texte, qui sont le portrait très précis, avec un ton. C'est plus un ton qu'une caractéristique bien précise. C'est le ton avec lequel on envisage un sujet sérieux, ou un sujet qu'on rend sérieux, pour lui donner une ampleur scientifique et une ampleur qui ne va pas de soi, a priori. La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolan. Parce qu'on a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche. Et puis derrière la serviette, on peut se concentrer davantage, on peut se déguster, vraiment voir ce qu'on a dans la bouche. C'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent et on veut en profiter au maximum. Voilà. Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue, là il est chaud. Il me tarde de le déguster. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer derrière. Oh mon Homère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Oh que c'est bon. Il n'est pas facile de déterminer précisément en quoi consiste l'organe du goût. Il est plus compliqué qu'il ne paraît. Certes, la langue joue un grand rôle dans le mécanisme de la dégustation, car, considérée comme douée d'une force musculaire assez franche, elle sert à gâcher, retourner, pressurer et avaler les aliments. De plus, au moyen des papilles, plus ou moins nombreuses, dont elle est parsemée, elle s'imprègne des particules sapides et solubles des corps avec lesquels elle se trouve en contact. Mais tout cela ne suffit pas, et plusieurs autres parties adjacentes concourent à compléter la sensation, savoir les joues, le palais, et surtout la fosse nasale sur laquelle les physiologistes n'ont peut-être pas assez insisté. Les joues fournissent la salive également nécessaire à la mastication et à la formation du bol alimentaire. Elles sont, ainsi que le palais, douées d'une portion de faculté appréciative. Je ne sais pas même si dans certains cas, les gencives n'y participent pas un peu. Et sans l'odoration qui s'opère dans l'arrière-bouche, la sensation du goût serait obtuse et tout à fait imparfaite. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Je mange donc, je suis philosophie de la nourriture et de la cuisine cette semaine sur les chemins de la philosophie. Donc, et aujourd'hui, nous parlons de Bria Savarin, de sa physiologie du goût. Et vous aurez peut-être connu Maïté qui, au coin du feu, déguste un ortolan. L'ortolan, disons-le, Bertrand Marker, fait partie du menu idéal. Selon Bria Savarin, on lit, hein, il propose le meilleur menu et on trouve à la 7e ligne, je crois, 12 douzaines d'ortolans à la provençale, comme il est dans le secrétaire et le cuisinier. Oui, effectivement, c'est un mets de choix avec les truffes, les huîtres. Ça fait partie des grands plats fortement érotisés aussi. Oui. Alors, évidemment, le passage que vous avez choisi le montre bien. C'est peut-être moins net chez Bria Savarin, en tout cas pour l'ortolan. Mais oui, ça fait partie des mets de choix et qui sont surconnotés. Alors, parce qu'il y a évidemment toute une signification alimentaire, toute une mythologie autour des aliments choisis et leurs vertus. Dans le texte qu'on a entendu, le Bria Savarin, donc le professeur, comme il s'appelle lui-même, essaye de déterminer en quoi consiste l'organe du goût. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y arrive pas. Finalement, il évoque la langue, les joues, peut-être la fosse nasale, peut-être les gencives, et au fond, il n'arrive pas à identifier cet organe du goût. Oui, puisque c'est quelque chose de très diffus et que ça touche à la conscience. Il y a la définition du goût relève aussi de la conscience de soi-même, de la conscience de son corps et de ce qui des sensations qu'il traverse. Et donc l'entreprise de définition de la gastronomie et du goût, c'est aussi se connaître soi-même. Vous avez plusieurs textes qui font le parallèle et qui reposent aussi sur le discours physiologique au sens médical qui se met en place au tournant du 18e et du 19e siècle, qui compare la sécrétion ou la fabrication des pensées à la digestion. C'est ce qu'on trouve chez un médecin comme Cabanis. Et donc la physiologie aussi, c'est ça, c'est se connaître soi-même, c'est le connais-toi toi-même moderne qui passe par la connaissance de son corps et la tentative de définition, notamment du goût, là on le voit bien, puisqu'il mobilise même les gencives, ça c'est tout à fait sûr, ce qui peut paraître surprenant. Et on voit aussi très bien dans cette définition très précise du phénomène de mastication que l'ambition du projet, qui est une ambition sérieuse, est toujours à deux doigts de devenir comique. Le discours de Maïté le montre également. Voilà, on remercie Nicolas Berger et Baptiste Botella qui ont trouvé cet extrait qui tombait parfaitement effectivement avec ce texte. Ce que le texte dit aussi, c'est qu'on n'arrive pas à cerner ce qui fait ce qu'on pourrait appeler l'identité personnelle au fond, parce que si le goût nous renseigne sur ce que nous sommes et qu'on n'arrive pas à définir quel est l'organe du goût, on ne sait pas non plus ce que nous sommes. Et alors pourtant, il y a cet aphorisme que je voudrais qu'on commente précisément. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Il dit ce que tu es et non pas qui tu es. J'imagine que la distinction est importante. Oui, ça va avec cette dimension matérialiste, ce que tu es, puisque c'est l'alimentation qui fabrique l'identité, d'une certaine manière. Donc on est le produit de ce que l'on mange, puisqu'on est fabriqué par ce que l'on mange. Et il y a tout un tas de réflexions d'ordre biologique ou géopolitique dans physiologie du goût, qui vise par exemple à montrer que le régime ictiaque, c'est-à-dire la consommation de poissons, favorise plutôt la naissance de filles. Il parle des régimes émollients qui déterminent par exemple une propension des peuples à être dominés ou non. Et donc ce que tu es, c'est ce que tu es fabriqué par la nourriture. Oui. Il y a plusieurs aphorismes qui vont dans ce sens aussi. Donc nous sommes ce que nous mangeons. Voilà. Nous sommes ce que nous mangeons, nous devenons ce que nous mangeons. Il y a une forme de mimétisme qui est souvent repris, alors là, à des fins caricaturales, mais par les par les dessinateurs ou par Granville, par exemple, qui publie la carte vivante du restaurateur un peu plus tard et qui met en scène des portraits, enfin qui représente des personnages qui sont comparés à des mets. Avec un jeu sur le macro, enfin, vous pouvez imaginer facilement, ou le homard qui est tout rouge. Donc il y a vraiment ce mimétisme qui va être repris par la suite et travaillé, alors qu'il n'est pas inventé par Brillat Savarin, mais Brillat Savarin lui donne le sérieux de la science, si l'on veut. Oui, et il essaye d'envisager le goût sous toutes ses facettes, au fond, toujours dans cette même méditation 2, dont on a entendu un extrait, il écrit « Le goût peut se considérer sous trois rapports. Dans l'homme physique, c'est l'appareil au moyen duquel il apprécie ses saveurs. Considéré dans l'homme moral, c'est la sensation qu'excite au centre commun l'organe impressionné par un corps savoureux. Et enfin, considéré dans sa cause matérielle, le goût est la propriété qu'a un corps d'impressionner l'organe et de faire naître la sensation. » Il y a quand même une volonté typologique ici du goût. Oui, il y a une volonté typologique, avec toujours cette précision qu'on peut considérer que cette volonté typologique est en partie parodique, puisqu'elle reprend la définition de l'homme par Cabanis, des rapports du physique et du moral. Il y a cette trinité, l'homme physique, l'homme moral, l'homme capable de volition. Et Cabanis faisait de la physiologie, la science majuscule, la physiologie ou la médecine, la science qui permettait de connaître l'homme sous toutes ses formes. Donc c'est la science des sciences. Et donc Brillat Savarin fait de la gastronomie la science des sciences. En sachant également que ce qui a remis au goût du jour le terme gastronomie, c'est un poème, et un poème qui a été rapidement parodié. Et donc, le terme gastronomie renvoie à une volonté de savoir, une volonté de connaissance qui est réelle, mais selon une modalité qui est particulière et qui est ce qu'on pourrait qualifier le ton physiologique, qui est un mélange toujours d'aspiration à la scientificité et en même temps à un jeu avec le code de la science. Ou le code du sérieux de la science. Mais pourquoi est-ce que ce type de réflexion sur le goût prêterait-il le flanc à la parodie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler sérieusement? Parce que la gourmandise et toutes les choses de la bouche ne sont pas des objets dignes, ça fait partie du bas corporel, ça fait partie du concret. Et c'est à partir du 19e siècle que la gourmandise change de définition. C'est d'ailleurs un des enjeux de physiologie du goût, c'est de donner une dignité à la gourmandise en la séparant du péché. Et donc, jusqu'au 19e siècle, évidemment, parler des choses de la table était finalement, de cette manière très concrète, en se penchant sur le fonctionnement du corps, ça ne pouvait pas être un objet sérieux ou digne. C'est pour ça qu'il se justifie dans sa préface. C'était pas un objet scientifique et encore moins littéraire. La digestion est, de toutes les opérations corporelles, celle qui influe le plus sur l'état moral de l'individu. Cette assertion ne doit étonner personne, il est impossible que cela soit autrement. Les principes de la plus simple psychologie nous apprennent que l'âme n'est impressionnée qu'au moyen des organes qui lui sont soumis et qui la mettent en rapport avec les objets extérieurs. D'où il suit que quand ces organes sont mal conservés, mal restaurés ou irrités, cet état de dégradation exerce une influence nécessaire sur les sensations, qui sont les moyens intermédiaires et occasionnels des opérations intellectuelles. Ainsi, la manière habituelle dont la digestion se fait, et surtout se termine, nous rend habituellement triste, gai, taciturne, morose ou mélancolique, sans que nous nous en doutions et surtout sans que nous puissions nous y refuser. On pourrait ranger sous ce rapport le genre humain civilisé en trois grandes catégories, les réguliers, les resserrés et les relâchés. Et oui, parler du goût, c'est aussi parler de la digestion pour Brillat Savarin et surtout des conséquences aussi de la digestion. Vous aurez compris les allusions de ce texte qui se lit, comme vous le disiez, hein, finalement, Bertrand Marker, avec sérieux et avec un sourire. Difficile ici de pas penser à Diderot, qui lui-même inscrit sa réflexion sur l'homme dans un matérialisme qui prend en compte la digestion dans tous ses détails. Est-ce que la filiation est revendiquée ? Oui, oui. Et d'ailleurs, il en exploite en plus, en particulier dans cette méditation, les conséquences esthétiques, puisqu'il il déduit une sorte de poétique en fonction de la digestion, puisque les poètes élégiaques sont plutôt des relâchés. Les poètes, il y a trois, les réguliers, les resserrés, les relâchés, sont comparés à des genres particuliers. Alors, qui sont liés à la pléthore ou à la facilité à parler, au lyrisme ou non, ou au côté, le contraire resserré étant plutôt du côté des écrivains moraux, etc. Donc, il joue effectivement avec cette représentation, sans qu'on sache réellement si l'enjeu est sérieux ou non. Il donne à la digestion, quoi qu'il en soit, il fait de la digestion une manière de représenter le processus de la pensée, la fabrication de la pensée. Et là encore, évidemment, ce parallèle est plutôt utilisé par les satiristes que par les scientifiques, même si on trouve c'est un lieu commun de la pensée matérialiste et chez les médecins matérialistes du début du 19e siècle. Et il compare aussi d'ailleurs la digestion, il fait une comparaison avec, enfin il cite Monsieur Jourdain, ouais. Qui s'est fait la prose sans le savoir, et il reproche aux hommes de digérer sans le savoir. Et donc là aussi, c'est une manière d'insister sur l'importance d'un sujet a priori trivial, dont il fait quelque chose de central pour la connaissance de soi. Mais comment est-ce qu'on peut digérer en le sachant ? Qu'est-ce que ça veut dire connaître sa digestion ? Alors, ça, il faudrait lui poser la question. Mais ce qu'il veut dire par là, je suppose qu'il faut connaître les différents phénomènes qui font qu'on est ce qu'on est et comment le corps fonctionne. C'est cette ambition très matérialiste qu'il revendique. Mais comme vous le dites, il n'y a pas de... Ça a été moqué ou parodié par Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, où effectivement Bouvard et Pécuchet essaient de reproduire les expériences de digestion, et ça devient très comique, puisqu'ils prennent au pied de la lettre, si l'on veut, la parole de Brillat Savarin, à plusieurs décennies de distance. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup d'affirmations qui sont à la fois très péremptoires, qui prennent le ton docte du professeur, et qui sont en réalité sans réel fondement, ou qui sont là pour amuser. Cet amusement, il est quand même au cœur des méditations qui sont, et puis du recueil dans son ensemble, qui est assez mal construit. Vous avez des aphorismes, des méditations, puis après vous avez une transition un peu bizarre, vous avez un certain nombre de documents, des anecdotes qui sont présentées comme le bonbon qu'on donne aux lecteurs. Vous voyez, donc menu au fond, comme un banquet. Voilà, comme un menu, oui. On peut dire qu'il y a une forme de volonté de diversifier, de complaire au palais du lecteur par la diversité des types de textes ou des angles utilisés. Mais on peut quand même aussi le prendre au sérieux, en tout cas ce qu'il dit sur la digestion. Aujourd'hui, nous qualifions l'intestin de deuxième cerveau. L'expression est couramment utilisée encore au XXIe siècle, donc il n'était pas complètement uniquement dans la dérision. Oui, alors l'expression de l'estomac comme second cerveau, on la trouve chez Balzac aussi. Ah, et c'est l'estomac ou l'intestin ? Chez Balzac. C'est l'estomac. Balzac, c'est l'estomac. C'est l'estomac, mais qui est aussi l'épigastre. Donc c'est aussi ambigu. Ce à quoi renvoie l'estomac, c'est ambigu, puisque c'est à la fois les nerfs et puis l'organe concret, le centre névralgique. Oui, bien sûr, mais nous sommes à une époque sérieuse, donc peut-être que vous avez oublié le côté léger que pouvait avoir Brillat Savarin et cette ampleur prise par l'estomac au XIXe siècle, qui a quand même pour volonté de provoquer. Oui, je pense aux pages de Balzac qui racontent l'effet que le café qu'il boit a sur son estomac, le velouté de son estomac qui est attaqué par l'acidité du café. C'est des pages, une fois qu'on les a lues, on s'en souvient toute sa vie. Oui, et puis vous voyez bien que chez Balzac, il y a, comme chez Brillat, il y a un éloge de la tempérance ou de l'équilibre qui permet de réhabiliter la gourmandise. Et parallèlement, Balzac avait un régime complètement destructeur, puisqu'il soit il baffrait, soit il pratiquait la diète, il ne buvait que du café quasiment sans eau lorsqu'il crée. Et donc il y a un décalage entre cette norme exhibée et puis la réalité de la pratique. qui est souvent du côté de la démesure, parce qu'on exhibe une norme aussi pour pouvoir la contourner, en sachant que présenter la gastronomie et le corps gourmand comme une norme, c'est déjà quelque chose d'assez provocateur pour toute une partie des Français du 19e siècle et de la classe bourgeoise. Alors justement, il y a une dimension politique qu'on n'a pas beaucoup abordée ni évoquée de la gastronomie. L'estomac devient le lieu d'une nouvelle sociabilité, c'est une manière de le formuler. On va entendre un texte qui illustre cela, la description d'un plat nouveau et la dimension sociale et économique de la gastronomie. Ce plat, ce nouveau plat, c'est le dindon. Le dindon est certainement un des plus beaux cadeaux que le Nouveau Monde ait fait à l'Ancien. Le dindon est le plus gros, et sinon le plus fin, du moins le plus savoureux de nos oiseaux domestiques. Il jouit encore de l'avantage unique de réunir autour de soi toutes les classes de la société. Quand les vignerons et les cultivateurs de nos campagnes veulent se régaler dans les longues soirées d'hiver, que voit-on rôtir au feu brillant de la cuisine où la table est mise ? Un dindon. Quand le fabricant utile, quand l'artiste laborieux rassemble quelques amis pour jouir d'un relâche d'autant plus doux qu'il est plus rare, quelle est la pièce obligée du dîner qu'il leur offre ? Un dindon farci de saucisses ou de marrons de lion. Et dans nos cercles les plus éminemment gastronomiques, dans ces réunions choisies où la politique est forcée de céder le pas aux dissertations sur le goût, qu'attend-on ? Que désire-t-on, que voit-on au second service ? Une dinde truffée. Une dinde truffée. Et mes mémoires secrets contiennent la note que son sucre restaurateur a plus d'une fois éclairée des faces éminemment diplomatiques. Bertrand Marquart, il faut dire que pour Brillat Savarin, la découverte de nouveaux plats est un grand moment. Il l'écrit dans l'aphorisme 11, « La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. » Rien que ça. Oui, c'est la découverte de la nouveauté qui est centrale. Donc il présente, il se dit dindinophile, et de manière générale, il aime beaucoup les volailles. Dindinophile. Oui. Et vous voyez que le terme est aussi, c'est une invention. Il se revendique des romantiques, d'ailleurs, dans Physiologie du goût, pour se revendiquer de la possibilité. Il revendique la création de néologismes, comme les romantiques, pour désigner des plats nouveaux et pour essayer de cataloguer ce domaine nouveau qu'est la gastronomie. Donc c'est vraiment la nouveauté qui compte, avec ce plaisir de l'invention aussi, du goût nouveau, qui a des conséquences, là encore, esthétiques, qui renvoient à un positionnement esthétique. Trouver du neuf. Ouais. Et... Voilà. Allez-y. Non, trouver du neuf pour rénover un peu le palais et toujours être... promoteur de nouveautés. Le goût est aussi, s'alimente de nouveautés. Dans quelle mesure est-ce que cette découverte du dindon ici, puisque c'est du dindon qu'il s'agit, est l'occasion pour Brillat Savarin de proposer une réflexion qui est plus politique ou sociologique? Il dit l'avantage il jouit encore de l'avantage unique de réunir autour de soi toutes les classes de la société. Pourquoi ce mets-là en particulier rassemblerait toutes les classes de la société? Alors pourquoi il réunit toutes les classes de la société? Je pense que c'est parce qu'il est peut-être plus accessible que l'oie. Mmh. Je pense que c'est surtout une projection, puisqu'il fait du lieu de la table une figuration de la société. Donc c'est un idéal social. Oui. Et donc les mets permettent aussi de recréer cette sociabilité qui a été malmenée par la Révolution française avec... l'exode de la noblesse, les conséquences que ça a eu sur la manière de concevoir les repas, la fuite des cuisiniers, etc. Et donc la gastronomie, l'entreprise gastronomique, le discours gastronomique a aussi pour fonction de refonder une sociabilité différente avec des us et coutumes renouvelés également. Donc le dindon, ou le mets en tant que tel, a aussi vocation, le partage du mets a aussi vocation à signifier cette nouvelle sociabilité. Le fait qu'ils réunissent plusieurs classes sociales, ici, ne me semble pas vraiment refléter un positionnement idéologique de Brillat-Savarin, mais plutôt un idéal de concorde ou de communion entre les convives. Si tant est que cette communion respecte un certain code, quand même, il y a des règles à suivre pour parvenir à ce qu'il peut le nommer un art de la table ou les arts de la table. Il y a certains commandements au fond qui expliquent comment est-ce qu'il faut se tenir, comment est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on doit manger, de quelle manière on doit manger. Donc il y a quand même des codes à respecter pour atteindre cette société idéale à table. Oui, il y a un nombre de convives à respecter. Il y a dont cette précision, là encore, peut prêter à sourire, puisque physiologie du goût n'est pas un code de la table au sens propre, mais il y a quand même des précisions par moment, et des précisions extrêmement précises sur le bon repas, comment il doit se dérouler, qu'est-ce qu'il faut pour faire qu'un repas se déroule bien. Parmi ces codes à respecter, il y a évidemment la conversation qui est importante. Là, c'est aussi le ferment de la sociabilité, ça passe par la parole. Mmh. Et on retrouve le repas doit concilier les deux formes d'oralité, le goût physiologique, l'ingestion et aussi la parole. Et ça, c'est une constante, évidemment, du discours gastronomique. Ce n'est pas une invention de Brillat-Savarin, mais une valeur particulière au sortir de la Révolution. Oui, mais il y a quand même l'idée que chacun doit jouer son rôle. Au fond, on se demande en lisant ce texte-là, dans quelle mesure Brillat-Savarin, d'un côté, il semble dire que le lieu, le moment du repas est une sorte de société idéale où en respectant certaines règles, tout le monde sera à peu près à égalité. Et de l'autre, il semble faire du goût une affaire, disons, conditionnée par un contexte socioculturel, on dirait aujourd'hui. Hein. Il distingue les financiers, le goût des financiers, du goût des médecins, du goût des gens de lettres, du goût des dévots, etc. Oui, il y a une hiérarchie. Ouais. La table reproduit une hiérarchie. D'ailleurs, il y a peu de femmes à table. Hein. Ça, on peut y voir un reflet du code civil. C'est surtout une affaire d'hommes, la table. Et vous avez effectivement les bons mangeurs, les vrais gourmands, qui renvoient à des classes sociales particulières. Et de manière générale, la gastronomie, c'est une affaire de la bourgeoisie. Mmh. Les nouveaux codes créés correspondent à la montée en puissance de cette nouvelle classe sociale après la Révolution. Donc la gastronomie fonde les valeurs et les us et coutumes qui sont propres à la bourgeoisie. Et il y a des jugements de valeur qui sont énoncés par Brillat-Savarin dans le texte. Je pense par exemple au ventre rond, le sujet qui peut fâcher justement, il en a bien conscience, cette symbolique du ventre rond qui lorsqu'il atteint une certaine taille, est le symbole d'une forme d'autorité et de sagesse. Mais en revanche, si le ventre est trop gros, là au contraire, il y a quelque chose qui devient nuisible pour Brillat-Savarin. Oui, tout est une question d'équilibre. Il fait partie, ou il faut faire partie des gastrophores, ce qu'il appelle les gastrophores, ceux qui portent leur ventre au majestueux, qui donc, c'est un ventre ferme, c'est pas de la graisse flasque, si vous voulez. Et donc ça, c'est un signe d'autorité, effectivement, de réussite sociale. Mais tout est question d'équilibre, puisque le trop plein rejoint la caricature des gros ou des gras, qui sont les profiteurs. Donc derrière cette affirmation d'un ventre majestueux, il y a la volonté de prôner un équilibre et aussi une centralité, puisque le modèle de cette centralité, le modèle de référence, c'est quand même le bourgeois, le corps bourgeois, qui est souvent représenté avec ce ventre. Bedonnant. Bedonnant, alors si c'est bedonnant, c'est la caricature, mais là, il essaie d'inventer une catégorie qui est moyenne, qui est entre les deux, qui n'est pas caricaturale, c'est le ventre majestueux. Mais c'est le fruit d'un équilibre, et ça suppose évidemment une hygiène, une diète, puisque le gourmand n'est pas un goinfre. Il est toujours du côté de la mesure, malgré tout. C'est là l'originalité de sa définition de la gourmandise. Comment faire pour que le repas se passe bien? C'est ça la question, enfin, cette fin du repas et les modalités du repas. Voici le texte de Brillat-Savarin qui explique comment faire pour que... Enfin, qui décrit la fin d'un repas. Il montre que les convives sont heureux, ils sont pleins de plaisir et à même de discuter. Dans le meilleur des cas, voilà comment ça se passe. Et puis vous entendrez ensuite un autre scénario possible. À la suite d'un repas, bien entendu, le corps et l'âme jouissent d'un bien-être particulier. Au physique, en même temps que le cerveau se rafraîchit, la physionomie s'épanouit. Le coloris s'élève, les yeux brillent, une douce chaleur se répand dans tous les membres. Au moral, l'esprit s'aiguise, l'imagination s'échauffe, les bons mots naissent et circulent. Et si Lafare et Saint-Aulaire vont à la postérité avec la réputation d'auteurs spirituels, ils le doivent surtout à ce qu'ils furent convives aimables. D'ailleurs, on trouve souvent rassemblées autour de la même table toutes les modifications que l'extrême sociabilité a introduites parmi nous. L'amour, l'amitié, les affaires, les spéculations, la puissance, les sollicitations, le protectorat, l'ambition, l'intrigue. Voilà pourquoi le conviviat touche à tout. Voilà pourquoi il produit des fruits de toutes les saveurs. Oui, entrez dans la maison du bon Dieu. Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, du dessert, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Ah non. Monsieur Preskovic, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir. Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Mais moi, j'en veux du dessert. Bah oui, écoutez, Pierre, on a bien 5 minutes tout de même. Bien, combien sommes-nous? Pas pour moi, merci. Oh, Pierre. Mais oui, laissez-vous tenter. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spotsis fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent. Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Alors, je vais m'abstenir. Oh, crotte, j'ai cassé mon couteau. Parce que c'est mou à l'extérieur, à l'intérieur, c'est comme de la pierre. C'est parce que ça n'a pas le temps de durcir partout, c'est trop chaud. Il faudrait le mettre 5 minutes au frigidaire. Très bonne idée, Preskovic. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le ramener chez vous et le manger. Et le monter, quand il sera mangeable. Parce que le frigidaire est cassé chez nous. Oui, ou peut-être un bord de fenêtre. Fenêtre? Excellent, monsieur Preskovic. Avec la petite bise qu'il y a ce soir, ça va refroidir en moins de 2. Oh, que c'est bête, je crains d'avoir été maladroit, monsieur Preskovic. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Bria Savarin aurait pensé du cloug, le dessert qu'on trouve dans Le Père Noël est une ordure et qui finit par la fenêtre? Alors, il est pour un peu de sucre à la fin du repas, si j'ai bien compris. En revanche, pour que le convivia se passe bien, c'est ce qu'il disait dans le texte que nous avons entendu, il faut que les convives soient de bonne qualité, de même que les plats. Or, c'est peut-être là ce qui manque à cette scène pour correspondre à la description que fait Bria Savarin d'une fin de repas réussie. Bertrand Marquer. Le cloug n'aurait pas provoqué l'ingestion du cloug n'aurait pas provoqué cette prédisposition au bonheur universel qui est décrite dans le texte de Bria Savarin. Donc oui, c'est le plat qui permet un bien-être. Donc ce qui est aussi surprenant, qui peut paraître surprenant par rapport au discours qui est tenu à l'époque, c'est que la digestion est présentée comme un moment de bien-être qui porte à la conversation et à la sociabilité ou au convivia. Donc c'est comme une propédeutique au lien social, alors que la digestion est souvent présentée comme un moment de atone où on ne parle plus parce qu'on digère et qu'il y a concurrence entre les deux estomacs, sinon, ou les deux cerveaux, plus exactement, le cerveau qui parle et le cerveau qui digère. Là, Bria Savarin en fait vraiment une phase préparatoire. Mais bon, comme les personnages n'ont pas mangé le cloug, on ne sait pas le cloug est tombé par la fenêtre, donc on ne sait pas exactement comment ils auraient réagi, si le convivia se serait finalement formé. Mais a priori, le mets s'y prête très mal, effectivement. Cet extrait laisse penser aussi qu'il y a une forme d'objection qu'on peut faire à Bria Savarin. Mais bon, en même temps, je pense qu'il l'assume, il y a une forme d'idéalisme. Au fond, oui, bien sûr, le dîner idéal, c'est avec des convives parfaits et des mets très bons, mais ça, personne ne dirait l'inverse. Oui, il y a une dimension utopique qui fait partie de cette représentation de la société gastronomique. Le gastronome, c'est le à la fois le nouveau courtisan, c'est le maître de maison parfait. C'est aussi évidemment parce que les modèles sont souvent des modèles bourgeois ou de réussite sociale bourgeoise. Donc c'est aussi une image parfaite. C'est le pivot de la nouvelle société qui va incarner toutes les valeurs de la nouvelle société. Est-ce que le texte a connu un succès lors de sa parution? Oui, il y a eu plusieurs rééditions, il y a eu des préfaces, plusieurs préfaciers célèbres. Balzac a écrit le traité des excitants modernes suite à une réédition de Bria Savarin. Donc c'est un texte extrêmement cité et qui a aussi été beaucoup repris dans la presse. Il y a eu énormément de petits journaux, enfin de la petite presse qui a été publiée à partir des années 1830, qui avait pour thème la gastronomie et qui s'inspire de Bria Savarin. Donc il y a eu beaucoup d'imitateurs. qui reprenait ses idées, qui mettait ses aphorismes en première page. Donc c'est un texte extrêmement cité. Il a même été repris par des savants, par exemple. Une analyse de... Il raconte ses rêves, et un de ses rêves a fait l'objet d'une analyse par un savant qui se penchait sur l'onirologie. Donc c'est une parole qui traverse le XIXe siècle. Et il faudrait précisément essayer de voir l'ensemble de ces reprises, mais c'est assez complexe, puisqu'il est très cité. Bah, parce que oui, il faut repérer des citations qui sont parfois... Il faudrait très bien connaître Physiologie du goût, qui est quand même un ouvrage assez conséquent, puis assez, où il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, ces aphorismes, oui, sont extrêmement repris. Parfois mal, mais en tout cas, ils font partie de la culture générale, si l'on veut, au XIXe siècle et même encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Au XXe siècle aussi, si on s'arrête un instant sur le XXe siècle avant d'arriver aujourd'hui, je pense notamment à Roland Barthes, qui citait et qui aimait beaucoup Brillat-Savarin. Oui, bien sûr, oui. Qui a bien analysé justement le plaisir lié à les deux oralités, si l'on veut. Le fait que de parler de nourriture, c'est aussi c'est un plaisir de bouche, mais c'est aussi un plaisir de parole, de formulation. Et que les mets sont forcément toujours liés aux mots, pour reprendre un rapprochement qui a été fait jadis. Donc c'est un plaisir, oui. Le plaisir est autant lié à la consommation qu'à la parole, au discours qui décrit ces mets. Et au texte, dirait Roland Barthes. Et aujourd'hui, quel destin, quel sort connaît ce texte aujourd'hui ? Alors, bon, il y a eu plusieurs rééditions célèbres. Aujourd'hui, je pense qu'il est largement oublié, quand même. Ou en tout cas, on oublie l'origine, lorsqu'on cite Brillat-Savarin, on oublie l'origine de cette citation. Je pense qu'il fait partie du panthéon, si l'on veut, des pères de la gastronomie, donc il peut être revendiqué comme une sorte de figure tutélaire avec Grimaud de la Reynière, mais il est largement oublié et réduit à un fromage, comme vous l'avez rappelé. On sait peu de choses de l'homme, en réalité, et aussi parce qu'on a complètement oublié cet auteur, et on a eu tendance à aussi réduire la portée de Physiologie du goût à un discours culinaire, ou en tout cas une valorisation de la gastronomie, en oubliant ce que le terme pouvait signifier à l'époque, et aussi l'ambition première, et le jeu avec les codes de l'époque, avec les représentations de l'époque, que cet ouvrage pouvait vouloir mettre en place. Je vous propose qu'on se quitte avec le menu idéal de Brillat-Savarin, Bertrand Marquart, parce que j'ai juste cité les ortolans, mais on y trouve beaucoup d'autres mets. En fait, il y a trois repas classés sur leur composition, leur prix et la réaction des convives. Et je vous propose qu'on dise un mot du plus onéreux. Il coûte 30 000 francs à l'époque. Je me rends pas bien compte de ce que ça signifie. Est-ce que vous voulez lire ce texte? Vous voulez que je le lise? Bah, moi, je l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas le... Bon, alors, je le lis. Alors, je crois qu'il faut le lire un peu comme une partition, hein, c'est ça? Bah, c'est le texte extrait des éprouvelles gastronomiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il présente, oui, un échantillonnage des textes qui... c'est quand même un menu, oui, effectivement. C'est un catalogue de menus. Alors, voilà, voici de quoi il est composé. Une pièce de volaille de 7 livres bourrée de truffes de Périgord jusqu'à sa conversion en sphéroïde. Un énorme pâté de foie gras de Strasbourg ayant forme de bastion. Une grosse carpe du Rhin à la Chambord, richement dotée et parée, des cailles truffées à la moelle étendues sur des toasts beurrés au basilic, un brochet de rivière piqué, farci et baigné d'une crème d'écrevisse, un faisan à son poing piqué en toupet, gisant sur une rôtie travaillée à la Sainte-Alliance, j'en ai l'eau à la bouche, 100 asperges de 5 à 6 lignes de diamètre en primeur, sauce à l'osmazome, 2 douzaines d'ortolans à la provençale comme il est dans le secrétaire et le cuisinier, une pyramide de meringue à la vanille et à la rose. Cette éprouvette n'a d'effet nécessaire que sur les dames et sur les hommes à mollet d'abbé, dit-il. Expression « Ah, monsieur ou monseigneur, que votre cuisinier est un homme admirable, on ne rencontre ces choses-là que chez vous. » Voilà le menu idéal selon Brillat-Savarin, c'est ça Bertrand Marquart? C'est un menu idéal dont vous voyez très bien qu'il n'est pas dans la mesure, justement. Non. Et il imite les menus Ancien Régime, ou les plats... C'est un extérieur de richesse, évidemment, et c'est une manière d'affirmer sa position sociale. C'est un menu qui n'est pas du tout équilibré. Non, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui. De légumes, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a effectivement pas beaucoup de légumes. Et c'est un menu qui s'accompagne aussi de paroles. Il y a ce lien, dans chaque éprouvette, il y a l'association d'un menu à une sorte de réaction attendue ou de code qui est de l'ordre du langage ou une réaction type. Et ce qui fait que ces éprouvettes sont à la fois sérieuses, elles visent à essayer d'établir une ethnographie du repas. Il y aura beaucoup d'entreprises par la suite qui feront de même, qui se pencheront sur les différents types de repas et leur portée, leur signification sociologique. Donc il y a cette ambition-là, et il y a l'association à une parole, qui est aussi une parole qu'on peut juger un peu cliché, une sorte de kit pour réagir en société lorsqu'on est confronté à ce type de repas. Donc là encore, on a quelque chose de très sérieux, une description très sérieuse, et puis une forme de distance qui s'affirme, notamment à travers le côté mode d'emploi, comment briller en société, avec les réactions types. Mais dans le plaisir pris à décrire ces plats-là, on n'est pas très loin du pâtissier de Cyrano de Bergerac et de Morostan qui propose des recettes en vers et en prose. Oui, c'est le plaisir, si vous voulez, la démesure aussi. Elle s'exprime par le langage, par la pléthore, par une expression pléthorique. Et c'est aussi un trait qui va être récupéré par les romantiques, dont on imagine à tort qu'ils sont tous éthiques et qu'ils ne consomment rien. Il y a aussi tout un courant du romantisme qui se revendique de l'exagération ou d'une démesure qui est une démesure gourmande et qui passe par l'expression. Alors évidemment, Alexandre Dumas est assez représentatif de ce point de vue-là, mais ce n'est pas le seul. Donc il y a un goût qui s'exprime et qui passe par cette revendication de la gourmandise. Une gourmandise de mots, mais qui passe aussi par l'exagération, et la démesure. Ouais, justement, de Dumas, on en parlera demain en compagnie de Mathias Sénard, justement, sans l'art, point de roman. Merci beaucoup Bertrand Marker d'être... Je vous en prie, c'est moi. ...de nous avoir parlé de Bria Savarin ce matin. Ça donne très envie de lire sa Physiologie du goût et puis aller lire vos ouvrages. On les mettra en ligne justement sur le site des Chemins de la Philosophie, comme ça les auditeurs pourront s'y référer. On se quitte toujours dans la démesure, toujours dans le repas idéal, cette fois-ci non plus dans l'écriture, mais en chanson plus bifluorée, s'il vous plaît. Allez, en voiture. Ce soir encore, je renouvelle corps à corps avec le pâté de foie. Mais cette fois, c'est la charcuterie premier choix. La charcuterie premier choix, oui. Sûr, je vais m'y reprendre à deux fois. À deux fois, grivanti, volaille, sauce, mayonnaise, la peau aux amis. Boulet grillé, miam, filet de porc sur purée. Toilette de vous paner d'hier. C'est le repas bougiwa, bougiwa. C'est le repas de gala, bougiwa. C'est le repas bougiwa, c'est le repas de gala, un fameux repas de gala. Pour continuer, je vous dirai les crémités et le saumon mariné. Allez, sans oublier le fameux saucisson fumé. Le fameux saucisson fumé. Ah, condition d'y ajouter. Quoi non? Quelques jours par-ci, une centaine de crevettes et un gratin dauphinois. Un roulé de veau et puis un sauté maringot. Oh le sauté maringot. Ah, rosé de mon Beaujolais. Oh, je fais le chorus. Ouais, chorus. Sylvain Richardot, piano, Sylvain Richardot. Allez, le repas de gala du Boogie Woogie sur France Culture, les chemins de la philosophie. Quoi de mieux pour accueillir l'entrée en fanfare d'Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle, je vais essayer d'être tonitruant. la barre est haut. Votre question ce matin, la voici. Qu'est-ce que c'est qu'un original? Bah, c'est une question que je m'étais posée à l'occasion d'un petit travail sur Walter Benjamin qui m'avait conduit droit à son bureau parisien, la Bibliothèque nationale. J'avais même obtenu une sorte de passe qui me donnait accès à tout ce que je voulais. Comment choisir? Je suis du genre à aller voir la Joconde quand je vais au Louvre, alors j'ai demandé à voir la Bible de Gutenberg. C'était à peu près aussi spectaculaire que dans les films de braquage. En cas d'incendie, on se serait ainsi fait asphyxier par du gaz carbonique. Et j'ai eu, sous mes yeux, en retenant mon souffle et pour moi seul, l'un de deux exemplaires conservés là-bas sur la trentaine qui reste dans le monde. Oui, une trentaine d'exemplaires, ça fait pas un original. Bah, c'est tout le paradoxe. À la recherche de la pièce rare, comme tout amateur qui se respecte, j'avais choisi sans réfléchir l'objet à partir duquel le concept d'original, en tout cas dans le domaine littéraire, avait perdu sa pertinence. La plus originale des Bibles de Gutenberg, ce n'était pas ainsi celle à laquelle il manquait des pages, ni celle dans laquelle le rouge enluminé des lettres avait été peint à la main. C'était la plus banale, la plus normalisée, la plus mécanisée de toutes, notamment celle dans laquelle les rouges avaient été eux-mêmes imprimés. Alors, quelles conclusions font-ils en tirer que l'original, ce serait le plus banal, en fait? Bah, les choses se sont pas arrangées quand j'ai demandé à voir ensuite la mélancolie de Dürer. L'original d'une gravure, c'est par nature un anti-original. Encore plus si la plaque a disparu. Ce que j'avais sous les yeux, et j'en étais pourtant émerveillé, n'existait à peine plus que les reproductions que j'avais pu en voir, puisqu'il ne s'agissait, par essence, que d'une reproduction. Mon enquête m'a alors conduit à Angoulême, au musée de la BD. J'ai eu accès là aussi au sein des saints du culte de l'original, à la salle réfrigérée, pleine de meubles à tiroirs où sont conservés les originaux d'Hergé ou de Franquin. Mais quelque chose n'allait pas. Les planches, des crayonnées rehaussées d'encre, étaient trop grandes et sans couleur. Les originaux, ce n'étaient pas ces pâles copies muséales, mais les albums mal imprimés de mon enfance. Le marché de la BD accorde d'ailleurs une place de choix juste en dessous de ces originaux problématiques aux premières éditions. C'est même parfois, pour les comics en tout cas, là que se font les records de vente. Même pas des livres, mais de simples périodiques. Les vrais originaux d'Hergé, ce sont peut-être tout simplement les abonnés du journal de Tintin qui les ont reçus chez eux. Alors je connais, derrière l'église Saint-Vincent de Paul à Paris, une librairie de BD qui ne vend ainsi que des périodiques. C'est moins une boutique qu'une balle de mauvais papier comme on en voit le long du RER dans les usines de recyclage. Et je me dis pourtant à chaque fois que je passe devant qu'ils sont là les vrais originaux du monde moderne, moitié déchets, moitié trésors. Ouais, le collectionneur d'originaux devrait se faire chiffonnier, c'est très benjaminien. Oui, au risque, eux, de s'y perdre, à moins d'inventer sans cesse de nouvelles techniques pour restaurer sans fin la splendeur perdue de l'original. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est qu'un original? Vous diriez l'original, bah, ce serait ce que désire le collectionneur. Exactement, et rien d'autre que ça, peut-être, le désir presque comme une coquille vide, c'est ce que j'ai découvert en allant voir à Drouot une vente de jeux vidéo. Les plus chers, c'étaient les jeux qui n'avaient exceptionnellement pas été déblisterisés. L'original, à l'état pur, est voué à le rester. Car celui qui achèterait ce Super Mario se garderait bien d'ouvrir son emballage scellé, tout simplement car il risquerait de découvrir que cette cartouche de jeu, dont la cote ne cesse de monter, est peut-être manquante depuis l'origine. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Baptiste Botella en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. À la lecture des textes cette semaine, Denis Podalydès. Et puisque nous parlions de la physiologie du goût aujourd'hui de Bria Savarin, j'en profite pour annoncer la parution le 20 février prochain d'un ouvrage co-dirigé par Éric Marty et Marcel Roux, Bria Savarin, mort à Paris le 1er février 1826. C'est le titre du livre aux éditions Manutius. Physiologie du goût, vous pouvez le lire, on met toutes les références en ligne, vous savez, chaque jour sur le site internet de l'émission. C'est Anaïs Isbert qui s'en occupe, vous aurez la bibliographie ainsi que les références musicales. Vous êtes nombreux à nous demander la référence des extraits instrumentaux et chantés que nous diffusons. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la nourriture. Je mange donc je suis à la table des philosophes. Demain, on sera du côté de la littérature avec Mathias Sénard, sans l'art, point de roman. On y parlera du dictionnaire culinaire, le dictionnaire de la nourriture de Dumas, bien sûr, un texte assez incroyable. On y parlera aussi des recettes de Françoise, le personnage de La Recherche du Temps Perdu. Et d'autres surprises sont à prévoir, donc à partir de demain, 10h, nous on sera là. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en téléchargeant l'application Radio France, par exemple, qui fonctionne très bien et qui vous permet d'écouter chaque émission en direct ou en téléchargement pour l'écouter à l'heure de votre choix. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.